Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Cartable FM 93.3 et vous écoutez la deuxième émission de Let's Talk. Aujourd'hui, on accueille Valérie Dieumégard, qui est intervenante au Théâtre de l'Éphémère, et Romain, qui est toujours à mes côtés. Et il va commencer par ces deux petites minutes d'infos de Romain. Vas-y. Eh bien, merci Sacha et bonjour à tous. Donc pour commencer, au Mans, un homme a volé une BMW, puis l'a conduite sans permis sur les voies du tramway avant de percuter un arrêt de tram. La gendarmerie s'est d'ailleurs amusée avec cet accrochage en disant que c'était malheureusement, il ne serait pas pris en tant que conducteur de tramway malgré le grand intérêt qu'il portait à ce métier. Pour continuer, la convention de renouvellement urbain de la métropole du Mans était signée ce mardi 29 octobre à la préfecture du Mans. Elle vise à rénover les quartiers prioritaires de la métropole du Mans, comme par exemple les Sablons ou les barres d'immeubles à Allonnes. 42 millions d'euros étaient bloqués pour ceci. Pour finir dans les infos locales, la grève des agents du Technicen de la SNCF de Châtillon et en Haute-Seine est toujours d'actualité, ce qui empêche beaucoup de Sartois à voyager à l'aide du train. Résultat, la gare du Mans est vide et les stations de bus sont bondées. On continue avec les infos nationales. Le tireur présumé de l'attaque de la mosquée de Bayonne présenterait, selon une expertise, des troubles partiels de discernement. Il aurait tiré sur deux musulmans pour se venger de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il doit être entendu au tribunal de Bayonne ce mercredi 30 octobre, dans l'après-midi, en vue d'une mise en examen pour tentative d'assassinat, dégradation et destruction aggravée, et violence avec usage d'une arme. Le parquet antiterroriste n'a bien sûr pas été saisi. Enfin, le Chili, secoué par une crise sociale, renonce à organiser la COP25, qui devait se dérouler du 2 au 13 décembre sur les changements climatiques. Depuis 11 jours, le mouvement ne faiblit pas dans la ville. D'abord provoqué par la hausse du coût de la ville dans le pays, notamment par l'augmentation du prix de tickets de métro à Santiago, le mouvement s'est amplifié malgré la suspension de cette dernière mesure. Le gouvernement de Chili a annoncé plusieurs mesures, comme la baisse du prix des médicaments, hausse des retraites, etc. Mais de nouvelles manifestations parfois émaillées d'incidents ont encore lieu pour maintenir la pression sur le gouvernement. Affaire à suivre. Merci beaucoup Romain pour ces deux petites minutes d'infos. On trouve à chaque fois la thématique de l'environnement, et oui. Et même dans les pièces de théâtre, on va le voir tout à l'heure avec Valérie Dieumégard qui est là comme invitée. Et donc on va commencer avec une petite pause musicale, Cheek to Cheek de Ella Fitzgerald. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. Vous écoutez toujours Cartable FM 93.3 dans Let's Talk. Alors aujourd'hui, on accueille donc Valérie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le théâtre de l'éphémère, son histoire ou sa situation géographique, etc. Alors le théâtre de l'éphémère, c'est une compagnie, donc c'est un groupe de personnes qui s'est fondé dans les années 70 à Angoulême, un peu plus loin qu'ici. Et c'était des collégiens puis lycéens à la base qui avaient envie de faire du théâtre, qui faisaient des ateliers de théâtre et qui ont décidé d'en faire leur profession. Et qui sont arrivés au Mans à la fin des années 80. En fait, la ville a mis à disposition le théâtre Paul Scarron, qui est place des Jacobins, pour la situation géographique. Et c'est ici qu'on crée nos spectacles. Donc moi, je fais partie de la compagnie. On crée nos spectacles ici. Et on propose aussi une saison de spectacle de septembre à juin, ouvert au tout public. Qui intervient dans ce théâtre, là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, les personnes qui interviennent, et vous, quel est votre rôle dans ce théâtre? Parce que vous n'êtes pas seulement comédienne, vous êtes aussi chargée de communication. Alors, je ne suis pas comédienne, je suis la seule. En fait, on est 8 permanents, on est une petite équipe. 2 des fondateurs, en fait, de la troupe amateur d'Angoulême sont actuellement les co-directeurs artistiques, Jean-Louis Reynaud et Didier Laster. Donc, eux, ils jouent et ils mettent en scène. Jean-Louis même fait la scénographie sur certains spectacles. Moi, je suis coordinatrice des projets. Je m'occupe de tout ce qui est action culturelle, c'est-à-dire tout ce qui va permettre au public d'être au plus près de l'art théâtral. Donc ça peut être des rencontres, des répétitions publiques et des ateliers. Je vais aussi mener coordonner beaucoup d'ateliers. On mène des ateliers auprès des scolaires, collèges, lycées, universités, de Sarthe et de Mayenne. On est sur deux départements. Et nous avons aussi une mission de sensibilisation à l'art théâtral sur un quartier au Mans qui s'appelle le quartier Bellevue. Voilà, donc on a ce bâtiment prêté par la ville dans lequel on propose des spectacles, mais on a aussi plein d'activités en dehors qui nous animent toute l'année. Et donc parmi ces activités, est-ce qu'il y a une école de théâtre ou comment vous mettez le théâtre et les intervenants au service de la jeunesse en fait ? Alors, on mène beaucoup, comme je disais, beaucoup d'ateliers de théâtre pour des collégiens et des lycéens, mais on les mène, c'est vrai, dans leur établissement scolaire. Donc, ça ne se voit pas forcément au théâtre Paul Scarron, puisqu'on n'a qu'un seul plateau, c'est-à-dire qu'un seul espace où on peut proposer des spectacles. Donc, quand on a des spectacles, on ne peut pas à la fois mener des cours. Il n'y a pas de cours réguliers au théâtre, on ne peut pas s'inscrire chez nous, malheureusement, c'est faute de place. Par contre, nous, on se déplace, et ça, c'est dans le cadre de la scolarité, en fait, des Monceaux ou des Mayennais, puisque qu'on est sur les deux départements. Par contre, on propose pour les adultes et à partir de 18 ans, pour les amateurs, des fois des rendez-vous, c'est plutôt des stages sous forme de week-end chez nous. C'est lié au spectacle aussi. Par exemple, on va en parler, on accueille dans quelques jours d'ailleurs, Wapiti Waves, le spectacle de Patrice Douchet. Et on peut suivre un stage avec lui pendant 2 jours à l'issue des représentations. Et ces jeunes, est-ce qu'il y a des... à la fin de... De la session, même quand vous vous déplacez, est-ce qu'il y a des représentations au théâtre Paul Scarron ou pas ? Oui. Alors, oui. Oui, pour les Sartois, en fait, on est jumelés. Nous, c'est le terme qu'on a utilisé. On est jumelés comme des villes qui sont jumelées. Nous, on jumelle des établissements avec notre compagnie. Ils suivent un parcours toute l'année. En fait, on choisit des textes pour eux. Ils ont 12 heures de pratique avec une comédienne ou un comédien qui les mettent en scène. Ils choisissent le texte dans la sélection qu'on leur a proposée. Et puis, effectivement, en mars, nous, on a appelé ça le printemps éphémère. Enfin, c'est parce que c'est au moment du printemps, mais c'est vraiment un temps fort, en fait, collégien et lycéen. Et ils viennent, ils sont accueillis comme une compagnie professionnelle par nos régisseurs son et lumière qui vont vraiment mettre en place de manière professionnelle leur spectacle. Ils se les montrent entre eux. Ça donne l'occasion d'un grand rassemblement, c'est assez joyeux. Et puis on fait ce qu'on appelle chez nous des battles théâtrales. Ça a été créé par Margot Charon, une comédienne qui travaille avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sur les répliques, c'est un peu la culture hip-hop, ils vont jouer sur des répliques pour s'amuser sur les textes théâtraux. Un peu comme de l'improvisation finalement. C'est pas la même chose, mais est-ce que par exemple vous faites de l'improvisation ou pas du tout Non, nous on n'en fait pas. L'apprentissage de texte. Non, nous en fait la compagnie ainsi que le lieu, le théâtre Paul Scarron, est une scène conventionnée, c'est-à-dire qu'on a un label particulier qui nous a été donné par le ministère de la Culture. Nous, notre label, il est scène conventionnée pour les écritures contemporaines. C'est-à-dire qu'on s'est fixé comme ligne artistique de nous fabriquer que des spectacles et accueillir que des spectacles d'auteurs vivants. Et donc on est très respectueux de ça, des textes qui sont publiés ou qui sont en cours de publication, mais on est très respectueux du travail des auteurs. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que le théâtre, ça s'écrit encore aujourd'hui et toujours, ça s'écrit. Nous, on a des auteurs, Wapiti Waves, l'autrice, elle a 35 ans, enfin c'est des auteurs assez jeunes, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour nous, assez jeunes, ça s'écrit jusqu'à 70 ans et ça parle de sujets actuels, donc c'est vraiment ça qu'on veut transmettre. Donc on n'est pas dans de l'impro, parce que nous vraiment on respecte. On a envie de mettre en avant les écritures d'auteurs. D'auteurs contemporains, du coup. Mm. Comment vous communiquez à l'extérieur et comment vous faites connaître vos spectacles, vos représentations, vos comédiens ? Je pense qu'on est assez basique sur le coup de la communication. Bien sûr, notre site internet, beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Après, l'affichage sur le bâtiment et en extérieur. Et puis notre plaquette de saison, notre brochure qui rassemble tous les spectacles. On est une petite salle de quartier, c'est 148 places ce théâtre. C'est un petit format comparé à d'autres théâtres. Je pense à la scène nationale qui est sur presque 900 places. On est là plutôt, c'est un peu comme si on était les cinéastes en fait. On est un petit théâtre de quartier. C'est sympa, du coup ça fait une petite bulle, une ambiance... C'est un autre rapport, ouais. Voilà. C'est un autre rapport au spectacle, c'est un autre rapport avec les spectateurs aussi, parce que finalement tout le monde se voit, enfin il y a quelque chose d'un peu plus intime et presque un peu plus convivial, parce que c'est vrai qu'on est un groupe presque uni face à des comédiens qui sont à un mètre de nous. Mais voilà, ça change des grandes scènes où on voit presque pas le jeu se dérouler, mais... Là mais on voilà. voit tout ouais, et voilà, ils nous voient aussi. C'est génial. Et vaut mieux peut-être, pourquoi pas, c'est peut-être mieux, finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est mieux d'aller voir des spectacles peut-être moins contemporains, mais avec, avec plus de place dans la salle, ou aller voir un spectacle très... avec une... des spectateurs qui sont très réduits, comme ça, ça... Des plus petites formes. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il faut voir de tout. C'est compliqué aussi de... C'est comme au cinéma, il faut voir beaucoup, beaucoup de films. C'est comme tout art, en fait. Il faut pratiquer beaucoup. Il faut aller voir beaucoup de choses pour un peu aiguiser nos envies et ce qu'on aime. C'est normal de ne pas aimer tout. C'est normal de... Voilà, il faut pas, en tout cas, aller une première fois au théâtre, ne pas aimer, et puis se dire, bon, bah, c'est pas pour moi. Parce que vraiment, le théâtre, il est pour tous. Et je pense, moi, qu'il y a des histoires qui peuvent toucher tout le monde dans ce qu'on propose à l'année. Après, on est tous différents. Peut-être que moi, il y a un spectacle que je vais aimer, que vous n'allez pas aimer, et inversement. Donc, il faut en voir plusieurs pour vraiment se faire un avis. Tester différentes formes, c'est aussi super d'aller sur un grand plateau comme la scène nationale, voir des grosses formes avec des gros décors, beaucoup de comédiens. C'est différent. Faut tester des expériences complètement différentes. Et est-ce que vous pouvez nous dire donc, c'est une association? Oui. Et qui dirige l'association, ou c'est co-dirigé? C'est co-dirigé donc par Jean-Louis Reynaud et Didier Laster. Après, sur les 6 autres permanents, donc moi je suis à la coordination des projets, il y a un comptable, mon collègue à la comptabilité, j'ai une collègue à la communication, une personne qui est chargée de l'accueil des compagnies, et puis 2 techniciens en son et en lumière qui sont des permanents. En plus de ces 8 personnes, on embauche aussi par intermittence des techniciens et des artistes qui vont nous aider sur le montage de décors, les interventions en atelier. Voilà, on est un peu plus, mais vraiment en permanent. Les personnes que vous pouvez voir aussi le soir, dans la journée si vous voulez des renseignements, et le soir de spectacle, c'est vraiment nous 8. Et est-ce que vous collaborez avec d'autres associations pour le montage de décors ou ce genre de choses? Pas du tout. Vous faites tout par vous-même? Non, pour tout ce qui est vraiment des supports techniques, enfin de l'aide technique, on va embaucher vraiment en intermittence des personnes, mais ça ne nous empêche pas sur des projets, en tout cas d'être en partenariat avec des associations, comme tu dis, avec d'autres structures culturelles ou des structures du milieu social. Enfin, on peut avoir plein de projets. Moi, je suis là aussi pour ça, pour faire du lien. Le théâtre, il doit pas s'enfermer sur lui-même, il doit rayonner et s'ouvrir sur la ville. Vivre, complètement. On va faire une petite pause musicale, et puis pour après reparler des 2 spectacles qu'on a déjà évoqués. Donc on va écouter James Blunt, son dernier morceau phare, Cold. It's been lonely, trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean, cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? All I need is a little warmth. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate, or pretend that I'm not torn. But I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. I built a little boat with a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer. Pull me in, cause I'm here, and all I need is a little warmth. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate, or pretend that I'm not torn. But I don't you on my body. I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you I'm just cold. Without you I'm just cold. Without you I'm just cold. Without you I'm just cold. Vous venez d'écouter le morceau phare de Once Upon a Mind de James Blunt. Vous êtes toujours sur Cartable FM 93.3 et vous écoutez Let's Talk. On est toujours avec Valérie pour nous parler cette fois de deux spectacles qui vont avoir lieu prochainement au Théâtre de l'Éphémère. Donc on parle ici de Wapiti Wave. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle qui intervient, son histoire, l'histoire, le synopsis, tout ça. La totale. Alors, Wapiti Waves, c'est une commande d'écriture, c'est-à-dire que c'est le metteur en scène Patrice Douchet qui est allé voir Mathilde Martina, c'est le nom de l'autrice, elle a, comme je disais tout à l'heure, une trentaine d'années, qui lui a demandé un texte sur la révolte de la jeunesse aujourd'hui et son engagement par rapport au péril environnemental. En fait, tout ça, on parlait tout à l'heure des écritures contemporaines, c'est quelque chose qui aussi perturbe et influence l'écriture des auteurs d'aujourd'hui, notre monde. C'est tout ce qui s'est passé, les manifestations environnementales, Greta Thunberg et j'en passe, et des meilleurs. Donc l'idée, c'était, il lui a demandé voilà, un texte sur comment s'engage la jeunesse sur le problème de l'environnement. Et donc Wapiti Waves, ça a joué pour la première fois, c'est un tout tout jeune spectacle. La première, c'était il y a une dizaine de jours près d'Orléans. Nous, c'est le sujet qui nous a plu et la compagnie aussi qu'on a déjà accueillie il y a 3 ans sur un autre spectacle qui était aussi pour la jeunesse. Et c'est en ça, voilà, on s'est dit, ben, on y va là-dessus. Et puis ça faisait écho avec le deuxième spectacle dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle L'île Jadis, qui est aussi sur le péril environnemental. C'est vraiment un sujet, nous, qu'on voulait porter sur la scène du Scarron, parce que ça nous semble parler à tous, ou ça devrait l'être. Et surtout, ces deux textes du répertoire jeunesse, c'est-à-dire ces deux spectacles qu'on peut voir à tout âge, mais dès 12 ans. Donc ça nous paraît très important que les citoyens en devenir entendent aussi ce type d'histoire. Donc on est sur les deux spectacles, on est sur la même thématique environnementale. Ça prouve qu'on s'en soucie beaucoup. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que des spectacles qui sont contemporains. Et on voit là, grâce à ça, que c'est vraiment contemporain, que ça inquiète les générations passées et à venir, en fait. Et les auteurs, ouais. Et puis, en fait, les deux spectacles sont presque en écho. Wapiti Waves, on est avant la catastrophe environnementale, c'est-à-dire que la vague va arriver. Wave, c'est la vague, c'est une sorte de tsunami. Donc, on a 4 jeunes qui sont en Europe, qui sont à la fois dans une liberté et dans un désabus de la société. En fait, on ne les sent pas très, très engagés, mais il y a ce cataclysme qui va arriver. On va voir comment eux, ils vont s'impliquer là-dedans. Alors que l'île Jadis, on est après la vague. C'est plutôt une île qui, jadis, a été belle, mais qui a été complètement dévastée. Les océans sont passés par-dessus, les forêts ont brûlé, on ne voit plus le soleil. Enfin, c'est vraiment un environnement extrêmement pollué. Et il ne reste plus que 3 personnes, un jeune enfant, un homme et une femme. Donc on va apprendre au fur et à mesure pourquoi ces 3-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont recréer une famille, est-ce qu'ils vont recréer des liens, et quel sera l'avenir, comment on peut se reconstruire après la catastrophe. Ça me fait beaucoup penser à un livre qui s'appelle New York, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est sur le même principe post-apocalyptique et les gens se réunissent en tribu parce qu'il n'y a plus moyen de vivre du tout dans cet environnement pollué tout seul ou en société, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Ça m'évoque beaucoup ça. Non mais t'as raison, c'est comment on se réorganise avant ou après la catastrophe en fait. C'est vraiment ça qui est interrogé. Et ce qui est intéressant au théâtre, alors on n'est pas au cinéma, nous on n'a pas les effets spéciaux qu'on peut créer à l'écran, c'est comment on va justement voir ça sur une scène de spectacle, comment on va créer une forêt dévastée, comment on va avoir un tsunami arriver. Nous on est un art artisanal, il va falloir créer avec le son, la lumière, les effets plastiques, il va falloir créer cet environnement-là et c'est tout l'intérêt de ces deux propositions. Donc, on a parlé des spectacles, mais quand on pourra aller les voir prochainement, donc, mais quand, à quelle date? Alors, Wapiti Wave, ça joue juste après la rentrée scolaire, c'est-à-dire ça joue le mardi 5 et le mercredi 6 novembre, à 20h30 les deux représentations. Et Ninja 10, ça joue quatre fois, ça joue aussi en journée pour les lycéens et les collégiens qui viendront le voir. Ça joue le jeudi 14 novembre à 14h30 et 18h30 et le vendredi 15 novembre à 14h30 et 20h30. Le jeudi soir, on a également invité des chercheurs de l'Université du Maine qui travaillent sur la pollution des océans, de participer à un échange en fait après le spectacle avec les spectateurs sur justement la question environnementale. Et sur ces spectacles, est-ce que les auteurs ou les metteurs en scène sont présents pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas? Est-ce qu'entre deux représentations, on peut corriger des choses ou pas du tout, ou c'est fini? Non, pas du tout. Ça se modifie tout le temps. Les metteurs en scène, oui, sont toujours, a priori, c'est assez rare qu'un metteur en scène ne suive pas la tournée, mais ils sont toujours présents. Ils font ce qu'on appelle des notes, en fait, en théâtre. Donc, c'est un peu scolaire, mais ils vont noter pendant la représentation les choses qui ont bougé. Ce qui veut dire aussi que les comédiens peuvent être en proposition. Ils peuvent, au fur et à mesure de jouer le spectacle, peut-être réinterpréter autrement. Alors, ce n'est pas des énormes modifications, mais tout d'un coup, ils vont faire une autre proposition qui va peut-être fonctionner ou pas. Mais ils sont toujours en essai. De toute façon, l'art, c'est toujours quelque chose qu'on crée. Et puis, voilà, il y a des choses qu'on abandonne et puis, ou qu'on peaufine. Mais ça va continuer, ça. Sur l'île Jadis, je sais que l'autrice, c'est aussi une autrice, Sabine Tamizier, sera présente le premier soir, c'est-à-dire le jeudi soir. Par contre, j'ai pas connaissance de la présence de Martinage pour Wapiti Waves. Mais les metteurs en scène, oui, ils continuent à travailler tout au long. Puis là, c'est vraiment des très très jeunes spectacles. Ça a joué deux, trois fois. L'île Jadis, la première est le 9 novembre à Laval. Donc vous voyez, quand on va les recevoir, nous, ils auront joué deux fois. Donc oui, bien sûr que ça va bouger. Et donc vous avez dit que c'était accessible à tout le monde, 20h30, c'est pas trop tard, ça dure combien de temps à peu près? Alors l'île Jadis c'est à peu près une heure, et puis Wapiti Wave c'est une heure et demie, donc ça reste encore... accessible. Voilà, On commence à l'heure, généralement, en tout cas on fait en sorte, une fois que la porte est fermée on ne peut plus rentrer. Donc voilà, c'est une petite soirée, faut se laisser porter par la proposition. Et à quel prix on peut aller voir ces deux spectacles, ces deux représentations? Alors, on a un tarif unique, en fait. C'est le même prix pour tous. Il est de 9€ pour tous les spectacles. On accepte aussi le pass collège. Le e-pass. Le e-pass pour e-pass les lycéens, bien sûr. Et le pass, le chèque collège. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour les Sartois, parce que je ne suis pas sûre que ça existe dans d'autres départements. Mais pour les Sartois, on accepte aussi ce moyen de règlement. Donc, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir ces deux spectacles qui s'annoncent plutôt sympas. Et donc, on va clore cette interview, malheureusement, c'est normal. C'était très intéressant, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous. Et on va écouter maintenant Romain qui va nous faire l'agenda culturel, pardon, excusez-moi. Eh bien, merci Sacha. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire cette semaine. On va commencer par le jeudi 31 où nous avons ce McFly qui se produira au Lapin Blanc à 20h et c'est gratuit comme d'habitude. Ensuite, nous avons Je te regarde, on vient d'en parler juste à l'instant, qui se produira au théâtre de l'Éphémère à 18h30 gratuitement. C'est bien sûr une répétition. Ensuite, nous aurons ce jeudi 31 et vendredi 1er novembre le groupe Bellissimo, qui est un spectacle qui se produira à l'île au sport à 16h. Et vendredi, nous aurons du mat rock avec John Mackay et du rock drone avec Spell Tenry au Lézard à 20h30, qui sera au chapeau. Ensuite, du 1er au 3 novembre, nous aurons le festival Coup de Parquet, où il y aura des danses et des musiques traditionnelles, du bal folk, des expositions, etc. à Mamers, et vous aurez plus d'infos sur le site internet. Ensuite, nous aurons toujours le 1er novembre, Mille Olivier qui fait de l'indie pop et le groupe On Lâche les Chiens qui fait du rock alternatif qui se produira à la Brasse Vie à Jupille à 21h et au Chapeau. Ensuite, nous aurons les Vierges Folles qui se produiront au Café de la Gare à Chénu à 21h, toujours et encore gratuitement. Et enfin, nous aurons le Soulsnam qui fait de la soul qui se produira au Zoo à 21h30 et encore une fois au Chapeau. Ensuite, pour le samedi 2 novembre, nous aurons Smackfly qui fait du DJ set funk disco house, ça c'est très très dur à dire, qui se produira au Lapin Blanc à 20h et ça sera gratuit. Ensuite, nous aurons Bonhomme Tétard et les Cancriers qui se produiront à la Pince à Vélo à Télocher à 20h gratuitement. Et enfin, nous aurons Stolen qui fait du pop fun qui se produira à Arnage au local à bière à 20h30 gratuitement. Ensuite, le mardi 5, nous aurons Item qui est une pièce de théâtre qui se produira à la Fonderie à 20h et le prix est entre 7 et 12 euros. Ensuite, nous avons Dom Join, qui est toujours une pièce de théâtre qui se produira à l'Entracte. À Don Juan, ça. C'est pas Don Juan, plutôt? Don Juan. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Qui se produira à Sablé-sur-Sat à 20h30 et c'est de 10 à 20 euros. Et enfin, nous aurons la pièce de théâtre de la peau de Cyrano par Nicolas Desvort, qui se produira à la salle des concerts de la médiathèque du Mans à 21h et qui est de 12 à 15 euros. Et nous avons aussi, du 2 novembre au 9 novembre, le Bipop Festival au Mans et à travers la Sarthe. Vous aurez plus d'infos sur le site bipop-festival.com. Et en exemple, le samedi 2 novembre, nous avons Oua et Brigitte Fontaine à Mamers. Le dimanche 3, nous avons Alani à La Flèche. Et le lundi 4, nous avons Daniel Dark et Alice Beauté au Mans. Et oui, le mercredi 6, j'ai oublié de le dire, Lou Dion et Azurite à l'espace Athéna, à la Ferté Bénard, à 20 euros. Eh bien, merci beaucoup Romain pour cette petite page d'actualité culturelle. Que de théâtre, beaucoup de pièces de théâtre là dans cet agenda culturel. Oui, on est un peu sur une semaine théâtre. Et on va continuer avec le traditionnel tourne-disque. Et on va commencer avec Miranda Lambert, dont avec son single Tequila Does, qui n'est pas encore sorti en CD, mais on va l'écouter quand même maintenant. His last name was Flores. He came up from Juarez looking for a hell of a town. With a blonde senorita and a tall margarita, we danced on the tables all night. Then I said, adios, Casamigos is taking me home tonight. 'Cause he don't love me like tequila does. Nobody can. But I won't sleep alone, 'cause my old pal Patron is taking me home tonight. They don't love me like tequila does. Nobody can. They don't give me that border town buzz like tequila does. I might as well face it, I'm always chasing a kiss with a twist of a line. When I'm drinking doubles, I'm nothing but trouble, and trouble's so easy to find. Hand me a sombrero. No, they don't. Love me like tequila does. Nobody can. They don't. Vous êtes toujours sur Cartable FM 93.3 et vous écoutez Let's Talk. On est en plein dans la catégorie tourne au disque. Et donc, on va continuer avec Falls, qui a sorti son dernier album en octobre et dont le titre phare est Like Lightning, qu'on va écouter tout de suite. On va voir si ça va vous plaire. It's about that time when I got some lightning. I could have been something without you now. It's about that time when I gotta do something. Gotta be like lightning. Be somebody new now. Et c'était le dernier morceau que l'on passait sur Let's Talk. Ça va être l'heure de clore l'émission et de remercier encore beaucoup Valérie d'être venue nous parler de cette troupe, de ces deux pièces qui, je le rappelle, se représentent le 5 et le 6 novembre pour Wapiti Waves et le 14 et le 15 novembre pour l'île Jadis. Encore, encore un grand merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Et à part si Romain a des questions sur les prochaines pièces de théâtre à jouer, nous allons clore l'émission et vous dire à la semaine pas prochaine, à dans deux semaines. Bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Eh bien, à dans deux semaines et encore un grand merci de nous avoir écoutés. À bientôt.